Cher André, quelle soirée parfaite. Sous peu l'année sera finie. Quel gala immortel, c'est l'année nouvelle. Vite à tous, que tout ne soit que fête. Que c'est bête que le fantôme ne soit ici. C'est la crème de la crème. Ce qui compte, c'est qu'on aime. On nous en croit en demain. Moi, euphorique. Un régal. De délice et de paix. Que l'on respire. Ni message. Ni vision. Gin à tous. Oui, trinquons à la prospérité. À nos frères du métier. Et plus jamais. Moi, ça change. Ça nous change. Que revienne le succès. Et d'autres mascarades. Pense-y. Tes fiançailles secrètes. Regarde ta future mariée. Tu te rends compte. Pourquoi tant de secrets? Qu'as-tu à cacher? Tu m'as promis. Non, Raoul, pas ici, on va nous voir. Et alors quoi? Nous sommes fiancés, ce n'est pas un crime. Christine, mais de quoi as-tu peur? Restons calmes. Restons calmes. Par pitié, j'ai confiance en toi. Ne brûlons que d'état. Thank you. pensiez-vous m'avoir perdu pour de bon? Vous ai-je manqué, beau messieurs? J'entends vous confier mon opin. Si après les partitions, Don Juan triompha, votre zélé serviteur, de trois conseils avant que l'œuvre ne démarre, Carlotta, par pitié, jouez. Gardez-nous des éternels cabotinages. Notre Don Juan doit maigrir à son âge. Pareil poids n'est pas très sage. Et mes directeurs, de grâce, votre place est dans les chiffres, non les âges. Enfin l'étoile, mademoiselle Daé, sa voix sans doute est prête, mais il lui faut encore, citons son rêve d'être grandiose, travailler c'est certain. Eh bien, si elle a besoin de moi, je suis là, je suis là. Tes chaînes sont les miennes. Nous paierons le prix. Ha!